la stico. C'est bien parce que c'est bien. La stico, c'est le copain des vers de terre. La stico, il vit sous la terre. La stico, c'est bien parce que c'est bien. La stico, il vit en Angleterre. Enfin non, mais la stico, il se noie sous la mer. Refrain. La stico, c'est bien parce que c'est bien. Merci. On dira rien.